clair, obscur. Une musique sombre sur Rage. Bonsoir à tous mes petits corbeaux et bienvenue dans Clair Obscur, l'émission des musiques sombres sur Rage. Bon sang, c'est le pied de vous retrouver après cette pause estivale, pas que pour moi d'ailleurs. C'est un vrai bonheur pour nous d'être de retour dans le poste, moi, votre cher serviteur, Stéphane, ainsi que ma complice dans le crime radiophonique, Nathalie. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane, et je vais le dire, tant pis pour la grossièreté. Putain, vous nous avez manqué. Oui, elle a dit un gros mot, ouh, venez, on la montre du doigt et on se moque d'elle, ouh. Allez, c'est pas grave, on va passer sur ta petite entorse à la bienséance radiophonique parce que c'est vraiment un bonheur d'être de retour parmi vous, chers amis, après cette pause estivale. Alors pour ceux qui nous écoutaient l'an dernier et voir les saisons précédentes, eh bien salut les amis, on est content de vous retrouver. Et pour ceux qui éventuellement découvriraient l'émission ce soir, eh bien soyez les bienvenus. Pour commencer, vous êtes dans Clair Obscur tous les mercredis soirs après Marilyn et la Baroque. Nathalie et moi-même explorons avec vous le côté obscur du rock pendant une heure, hein. Marilyn ouvre avec le côté lumineux de la pop et du rock. Et puis nous, on continue pour conclure la soirée rock sur Rage. Dans le clair obscur. Dans le clair obscur et ces tons un peu plus sombres qu'il y a dans la musique, chers amis. Et on explorera tout ça tout au long des playlists avec vous. Et pour commencer sous de bons auspices, nous avons ouvert cette émission avec notre sorcière préférée, la diva gothique, s'il en est une, c'est bien elle. C'est bien elle, décidément, je foire mes liaisons. C'était Siouxsie, bien sûr, avec son premier groupe The Banshees, qui chantait ce titre sur l'album The Scream en 1978. C'était une reprise des Beatles et ça s'appelait Helter Skelter, qui sonne un petit peu avec ses ralentissements et ses reviens-y, qui sonne un peu comme un râle d'amour complètement enragé. Ça tombe bien, vous êtes sur Rage et on vous aime. Et puisque l'émission est en direct, on rappelle simplement que vous pouvez rejoindre Nathalie pendant l'émission pour papoter sur le groupe Facebook de l'émission. Vous tapez quelques mots-clés dans un moteur de recherche, hein, Nat ? Tout à fait, vous allez sur les moteurs de recherche habituels, vous tapez Rage Clair Obscur. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le MySpace, vous pouvez me retrouver sur ma page perso qui est liée. Alors plutôt sur le groupe de l'émission, c'est plus simple parce que je sais que certains plus qui ont une carte de fidélité chez nous, qui viennent tous les mercredis, ont l'habitude de venir sur ma page. Venez aussi ou plutôt sur la page du groupe, c'est plus facile pour tout le monde et ça permet de se faire des nouvelles connaissances. En plus, tant qu'à faire, ça ne gâche rien. Allez, on est content de se revoir les uns les autres et on va quand même pas verser une petite larme. Hein. C'est pas trop c'est pas trop le genre de la maison. D'ailleurs, c'est un petit peu l'objet du ça morceau. Ça fait couler le rimmel, ouais, voilà. Le maquillage. Donc, on va éviter de transpirer, on va éviter de pleurer, mais ce sera quand même l'objet du morceau avec lequel on va continuer. Un titre de Tuxedo Moon, No Tears. No Tears for the Creature of the Night, comme le rappelait Nathalie avant le morceau. Mes chers amis, il faut surtout pas pleurer, ça fait couler le maquillage. C'était la minute esthétique. La minute beauté, oui. Voilà. Gotibiotique. Et on y reviendra sans doute. Et donc c'était un titre de Tuxedo Moon, un single qui était sorti là aussi en 1978, une année manifestement qui aura été fondatrice pour les styles musicaux qui nous intéressent dans Clair Obscur. Et moi j'aime bien ce morceau qui est sans doute le plus connu et un des meilleurs de ce groupe là, puisqu'il mélange allègrement cet orgue un peu désuet, un peu vintage, des rythmes, des batteries un peu punk et cette voix death rock, cette voix de mec qui part dans des aigus un petit peu surnaturels. Et curieusement bah, c'est un morceau qui détonne vraiment dans la discographie du groupe. C'est un morceau assez exceptionnel dans ce qu'ils ont fait et qui correspond pas du tout à leur style a priori. Très loin en tout cas de ce que tu nous avais déjà ramené l'an dernier. Ne vous inquiétez pas, cette année on va encore vous trouver pas mal de surprises, pas mal de petites choses que vous ne vous doutez même pas de l'existence. Je suis sûre qu'on va vous en mettre plein les canines. J'en suis même pas sûre, j'en suis sûre, absolument sûre. Vous allez danser dans le salon, je veux les photos. Alors, comme on vous disait tout à l'heure, on est passé assez rapidement dessus, Clair Obscur et l'émission des musiques sombres. Alors, je sais ce que vous pensez derrière votre poste. Vous vous gossez un petit peu de cette appellation. Eh bien, l'émission des musiques sombres, à contrario, cela voudrait-il dire qu'il y a des musiques lumineuses? Oui, ah bon, alors là, je reconnais un petit peu que c'est un peu pratique, un peu facile, un peu fourre-tout, l'appellation musique sombre. Mais c'est simplement une manière pour nous, une manière bien pratique, de dire qu'on a l'intention de faire le tour des scènes underground et plus généralement alternatives, et principalement de vous ramener des groupes de la mouvance gothique. Bien entendu, mais pas que. Mais c'est pas ça que, qui ouais. fait la diversité de l'émission, parce que je pense que d'autres auditeurs écoutent les émissions d'autres personnes qui font sur le registre goth et qui le font très bien en reste. Qui font très très bien, mais nous on avait envie justement de montrer un peu au public que le gothique c'est bien, mais que finalement ça pouvait être déniché un petit peu partout, que on pouvait s'en inspirer, que des groupes plus connus s'en étaient inspirés, et que finalement c'était pas les vilains méchants barbouillés de blanc qui se baladent dans les cimetières tous dépressifs et suicidaires. Il y a autre chose derrière et c'est beaucoup plus riche que ce qu'on veut bien lui accorder dans les grands médias. Et depuis 3 ans que l'émission existe, on n'a encore jamais sacrifié un bébé ou une chèvre. À faire pour la fin de l'émission. Malheureusement. Peut-être. Il n'y a aussi jamais de groupies qui m'ont attendu à la sortie du studio. Hein. Donc s'il y a des volontaires ce soir. Groupies masculines ou féminines hein. Nathalie, inutile de préciser, voyons, je mange à tous les râteliers. J'oubliais. Les auditeurs le savent très bien. Et donc, comme Nathalie vous l'a précisé, on a des goûts assez variés. Les playlists en matière de musique. Seront assez... les playlists seront à l'avenant, bien entendu. Et on vous ramènera évidemment tous les styles de la mouvance goth parce qu'ils nous intéressent. La new wave, la cold wave, la dark wave, hein, j'avais envie de citer les trois d'un coup. Je vous les cite en vrac, le death rock, le bad cave, bien entendu, le post-punk, le médiéval, l'heavenly, l'indus, l'électro. L'UBM, toute la série. Et puis plus encore, parce que maintenant ils créent leur propre style, ils se mixent les uns les autres. Donc, Du psychobilly, de l'horror punk aussi. D'ailleurs, Halloween, c'est pour bientôt. Et voilà, donc des styles assez variés. Donc je suis désolé, mais si vous êtes un ayatollah de la cold wave, hein, si vous n'écoutez que ça, vous ne supportez que ça, ben, merci d'être passé. Mais on n'est pas l'émission pour vous. Et si vous avez des goûts un petit peu plus variés, si vous êtes curieux et ouvert et d'esprit, eh bien, continuons ensemble, chers amis. Je suis sûr, comme vous le disait Nathalie tout à l'heure, qu'on aura du juteux à vous proposer pour vos petites canines. Alors, je précise pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, il arrive parfois que nous nous envolons sur des grandes phases lyriques d'humour noir et des fois totalement pourri. C'est normal, ça fait partie de l'émission et de son concept. Donc, ne vous en offusquez pas, même si des fois, on part dans un peu tous les sens. Ça fait aussi partie du truc et on s'éclate bien à vous dire toutes ces bêtises aussi à côté. C'est pas qu'on essaie d'être drôle à tout prix parce qu'on est payé pour ça, hein, même pas. Hein, c'est juste même que pas. Je fais pas exprès des fois, c'est tout. Voilà, faut me pardonner. Il y a les fils qui se touchent, mais on l'aime quand même. Ouais, je rappelle que l'asile de Montfavet est pas très loin des studios d'Avignon. Et donc on vous ramène des tas de styles assez variés. On abordera aussi des styles un peu plus controversés parmi le public gothique, alors notamment du métal. Nathalie vous en a ramené pour la playlist ce soir, on en découvrira ça tout à l'heure. Ainsi que de l'IMO. L'IMO. Vous savez, ce style musical qui se caractérise par des chanteurs un peu maniérés et des groupes dominés en chemise entre à carreaux, etc. Là. Et avec la mèche qui va bien, le public est pareil, c'est souvent des gamins qui se cherchent un peu, qui sont maquillés de manière outrancière, un petit peu comme les punks d'il y a 30 ans au reste, et qui ont des coiffures assez hallucinantes eux aussi, qui se prennent au sérieux, etc. Mais bon, il faut bien que jeunesse se passe. Et la différence avec les emo kids, c'est qu'ils mettent plus de sous dans leurs fringues, en fait, je crois. Va savoir. Et donc voilà, tout cela peut évidemment prêter à sourire quand on a 20 ans de plus et quand on voit ça d'assez loin. Pour autant, si beaucoup... bon, ça va Nathalie. Pour autant, parce qu'elle me regarde 20 ans de plus, à chaque fois qu'on parle du temps qui passe, elle monte sur ses grands chevaux. C'est bien une nana pour ça. Bref. Vous les auditrices, vous, j'imagine que vous serez solidaires avec elle. Et donc, pour en revenir au style qui nous intéresse, l'emo est un style qui peut prêter à sourire, évidemment, à cause de tout ce côté visuel et de ces voix un peu nasillardes qu'il y a parmi les groupes qui officient dans ce style-là. Il y a beaucoup de groupes qui sont craignos, il faut le reconnaître, et pour autant, il ne faudrait pas se priver et jeter le bébé avec l'eau du bain. Sacrifions-le plutôt sur l'autel de la musique. Voilà, comme c'est des gamins en plus, jeter le bébé avec l'eau du bain est plutôt bien trouvé, puisqu'il y a de très très bons groupes sur cette scène-là, même si ce ne sont pas forcément les plus connus. Et moi, j'avais envie de vous ramener, histoire de rentrer dans le vif du sujet et d'annoncer la couleur d'entrée pour cette première émission, pour ceux qui éventuellement ne supporteraient pas certains styles, eh bien, on va passer à un groupe d'emo, mais un groupe qui a été vraiment très, très bon. Il s'agit de At The Driving, avec un extrait de l'album Relationship of Command qui était sorti en 2000, et le titre, c'est Rolodex Propaganda. History, feel the pitch blistering. Between dreams, cause I'm still not listening. Xbox is hot on your calendar days. A beer, half feet, a smile, crawling with legs. Temper, temper, temperature. Temper, temper, temperature. Manuscript replica. Cut it, yeah, that's it, cut it, cut it, cut it. Manuscript replica. Yeah, shit, cut it, cut it, cut it. Script replica. You got it. You got it. Yeah. Vous n'avez pas une Rolodex au poignet à 50 ans, c'est que vous avez loupé votre vie, hein, comme dit notre cher propagandiste, là, je ne sais plus comment il s'appelle. J'en étais sûre, parce qu'en plus, quand j'ai lu le titre, j'avais lu Rolex, tu vois. Donc, Et en fait, c'était écrit Rolodex, va savoir, autant c'est une marque de contrefaçon, va savoir. Toujours est-il que c'était un titre de l'album Relationship of Command du groupe At The Drive-In, dont vous connaissez peut-être deux des membres, Cédric Blixger Zavala et Omar Rodriguez Lopez, puisqu'ils ont continué après ce dernier album tout au long des années 2000 dans le groupe The Mars Volta. Excellent groupe que je vous engage à découvrir, et de toute manière je me ferai un plaisir de vous en passer encore cette saison. Alors At The Drive-In, c'est un groupe que j'ai découvert grâce à Mirek, qui se reconnaîtra, un ami qui m'a fait découvrir ce groupe là, alors qui est un groupe d'El Paso, près de la frontière mexicaine aux États-Unis. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'ils avaient sorti un EP quelques années avant cet album-là, à la fin des années 90, qui jouait sur l'orthographe de El Paso, en appelant ça El, l'enfer. Paso, parce que c'est une ville où il y a beaucoup de criminalité, beaucoup de misère, etc. Et il y a aussi donc tout ça, toute cette rage finalement qui se retrouve dans le chant de Cedric Blisger, qui a des aigus un petit peu surnaturels, c'est assez impressionnant. Et toute cette rage punk donc qui se retrouve dans ce groupe d'Imo qui a fait de très très bonnes choses et d'autres par la suite ont continué. Alors, on est une émission branchée, hein, faut reconnaître, enfin branchée, on n'essaie pas à tout prix d'être à la page à la mode, mais simplement plugged, on va dire, puisque Nathalie et moi sommes un peu geeks, hein, vous en apercevrez. Un peu geek sur les bords et un peu pas mal au milieu. Franchement, il est vrai qu'on est pas mal sur la toile, on essaye aussi parce que ça permet de faire connaître l'émission et ça permet à nos amis que je salue, qui nous écoutent un petit peu à travers la France, la Belgique, peut-être le monde, hein, on ne sait jamais, il y a des gens qui ne se signalent pas, mais on sait qu'il y en a qui nous ont écoutés de pays assez éloignés. Ça fait toujours plaisir parce que vous pouvez nous écouter sur internet si vous ne le faites pas déjà. Sur le www.rage.fr, il y a l'avantage du player et un grand système qui nous permet aussi de vous faire partager notre petit bazar sonore du mercredi. Si vous nous avez raté, que vous êtes trop couche-tôt ou trop fatigué, vous pouvez aussi nous réécouter en podcast dès que c'est publié. Nous réécouter, nous re-apprendre par cœur, nous faire des dédicaces, des poèmes. Si vous voulez aussi, hein, vous pouvez, on a déjà reçu des petits cadeaux, ça fait aussi toujours plaisir. Mais je voulais vous signaler, si vous nous écoutez sur les ondes, que si jamais chez vous ça passe pas bien, Internet est là, la magie du numérique vous permettra de nous entendre encore mieux. Alors, on a différentes adresses sur lesquelles vous pouvez nous retrouver peu ou prou. Alors, on vous parlait du groupe Facebook de l'émission qui est sans doute le plus actif et sur lequel vous pouvez nous rejoindre en direct tous les mercredis soirs entre 22 et 23 heures. Nathalie vous accueille sur la page Facebook de l'émission. Donc, l'adresse est à rallonge, donc je ne vais pas vous la citer, mais en tapant quelques mots-clés dans un moteur de recherche, c'est assez bien référencé. Donc, Rage, Facebook, Clair Obscur, et vous tombez sur nous. Si vous tapez que Clair Obscur et Facebook, vous tombez sur le groupe du même nom, qui est quand même un petit peu plus connu que nous, bien entendu. Et sinon, vous pouvez aussi nous rejoindre sur MySpace, www.myspace.com/clairobscur_rage, R-A-J-E. Et on a aussi créé une page sur Tumblr. Nathalie s'est occupée d'un blog, comme elle vous le disait tout à l'heure, sur WordPress. Et sur Google Plus aussi, le nouveau réseau qui est en train de se mettre en place. Alors celui-là, j'avais pas trop envie d'en parler parce que ce système d'invitation, ça fait penser aux boîtes de nuit dont je me faisais refouler régulièrement. C'est parce qu'il est encore en version bêta, c'est pour ça, il n'est pas fini, il y a encore pas mal de choses. Mais bon, on est gros bêta, ouais. Voilà, gros bêta, gros petit loupé, mais pour moi, c'est un réseau qui est prometteur. Donc je me suis permis d'installer un petit bazar sonore gothique aussi là-dessus. Et voilà, donc pour Internet, vous avez les ressources de nous retrouver, mais bien entendu, chers amis, si vous êtes vintage, si vous êtes à peu près aussi doué avec la technologie que moi-même, à certains égards... Si vous avez encore un poste à galène comme Stéphane... Voilà, chez à votre maison, et bien entendu, on pense à vous aussi, on vous remercie de nous écouter derrière votre antiquité de poste de radio, ça fait aussi énormément plaisir. Voilà, on va continuer. Alors, on a eu droit à la voix diaphane de Siouxsie, on a eu droit à la voix de Deathrock de Tuxedo Moon, on a eu droit aux envolées lyriques de Cedric Blisger dans At The Drive-In, et là, on va continuer avec la voix des anges d'un groupe nettement plus connu. Nettement plus connu, et après la mèche des petits émos, on va passer au côté lourd et poilu, avec un peu plus de sueur et à mon avis un peu plus de muscles, de Rammstein, qui est quand même le groupe germanophone le plus vendeur de disques au monde. Et non, ce n'est pas Tokyo Hotel. T'es sûr de tes statistiques? Oui, j'en suis sûre. J'ai vérifié, ils en ont vendu plus qu'eux. Sur tout album confondu, ce sont eux les plus gros vendeurs sur la période des dernières années. Donc on applaudit quand même, parce que chanter en allemand et vendre de l'allemand, je trouve ça quand même que... faut le faire. Et pourtant, c'est une version en anglais d'un de leurs titres les plus connus que tu nous ramènes ce soir. Oui, j'ai voulu commencer gentiment. Je me permettrai de vous ramener la version allemande un peu plus tard, mais je me suis dit... démasqué. Voilà, tout à fait. Je me suis dit, si on a des nouveaux auditeurs, on va commencer tranquillement. Alors, avec un extrait de l'album, de leur deuxième album, donc ça date, hein, ça date de 97. Alors, l'album se nomme Sehnsucht, si je ne me massacre pas trop... Le germanophone, c'est non, toi. Non, tu le massacres pas trop, mais disons que tu es un petit peu deux octaves au-dessus de la manière dont le chanteur le dirait. Oui. Eh ben écoute, on vous ramène au film de David Lynch pour la prononciation correcte. Tout à fait. En attendant, je vous laisse découvrir cette espèce de grosse mécanique toujours aussi efficace avec les années. Attention, c'est pas de l'emo kids, là, ça passe ou ça casse. Thank you. wonder why. No one can see them in the sky. Ich will kein Engel sein. Jamais danser avec le diable au clair de lune. Clair obscur. You let it go as if you know you are alone. You always underrate the ability to change the state of mind, and what you'll find is hate sublime. It destroys every way out of fear, and what you'll find is hate sublime. It destroys every way out of fear. A constant flow of our existence. A photograph, the time like slow motion. Did someone realize that our life is based on the history we've been taught? We all live in the results of a lie. Fundamental facts have been changed and changed again by the and we keep our lie alive. Why don't you go on to kiss the ring on the finger of the hand which turned your existence to hell? below our existence. A photograph, the time like slow motion. Why don't you go on to kiss the ring on the finger of the hand which turned your existence to hell? À l'instant, vous avez pu découvrir les bourrins de Rammstein avec le morceau Engel et Angel, pardon, avec sa version anglaise. Donc justement, il existe aussi la version originale qui est allemande, qui est un peu moins mélodique, mais beaucoup plus connue et beaucoup plus appréciée, je trouve, des auditeurs. Alors, il y en a qui ont râlé, bah tant pis, hein, moi j'avais envie de vous passer, histoire de ne pas faire comme tout le monde, la version anglaise, na. Et juste après, vous avez pu assister et découvrir le cocktail explosif, un mélange Zero Mancer, qui est un groupe de Norvège, un groupe de métal indus, rock indus, de synth-pop et autres, et groupes et morceaux très variés, qui s'est amusé à remixer Projet Pitchfork, qui est un groupe allemand qui lui aussi fait dans l'EBM Darkwave. Vous touillez le tout, vous secouez un peu, et ça vous donne un petit aperçu de ce qu'on peut trouver en soirée goth, enfin les bonnes soirées goth où on peut bouger ses fesses, qui est toujours un plaisir. Et là, y aurait-il des mauvaises soirées goth ? C'est comme toutes les soirées, il y en a des bien, il y en a des pas bien, on va pas râler, mais en tout cas moi j'aime beaucoup ce genre de son, vous le remarquerez si vous nous suivez tous les mercredis, d'ailleurs obligation avec mot d'excuse en cas d'absence, je précise. Donc vous remarquerez que moi j'aime beaucoup les sons synthétiques et que Stéphane est peut-être un peu plus old school que moi, donc vous avez un joyeux mélange, le cocktail continue. Et tout cela est très germanique, effectivement Nathalie aime ce genre de cocktail, vous aurez l'occasion de le redécouvrir. Et d'ailleurs je crois que tu m'avais dit hors antenne que les deux groupes étaient en concert au F-Gothic Treffen au printemps. C'est tout à fait, voilà, ils ont fait partie de la scène, la grande scène gothique. Festival que j'espère pouvoir couvrir un jour et vous en raconter mille et mille anecdotes et vous ramener mille et mille photos. En attendant, je me contente de relire les releases de concerts et je vois que c'est toujours autant la rage sur scène. En te remémorant tes souvenirs du Hellfest. Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur Rage dans Clair Obscur, vous nous écoutez sur le 90.3 du côté du Vaucluse, sur le 102.5 du côté du Gard et de l'Hérault, et sinon, vous nous écoutez sur internet, sur le www.rage.fr. Le site est bien foutu, bien ficelé, avec un player qui fonctionne bien, et si vous ne pouvez pas nous écouter via le player parce que Flash déconne sur votre ordinateur, vous avez toujours la ressource de copier-coller un lien dans un lecteur multimédia genre VLC ou Windows Player. Voilà. On vous fera un jour un petit tutoriel parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous déclarent des soucis de player alors que c'est leurs machines qui sont mal configurées. Donc voilà. À travailler ça. Tiens. Nathalie, la geek en chef de cette émission, vous rédigera ça un de ces jours. Et moi j'ai envie de vous parler, alors puisqu'on est en train de survoler un petit peu les différents styles qu'on verra tous ensemble tout au long de l'année, j'ai envie de vous parler d'un groupe plutôt. Un projet musical qui injustement galvaudé à mon humble avis, il s'agit de Dernière Volonté, le projet musical de Geoffroy D. D, c'est son initial, il ne nous donnera pas son vrai nom, peu importe, parce que c'est un personnage intéressant, à défaut de le trouver attachant pour certains. C'est un gars, vous imaginez, la maladresse vocale d'Étienne Dao, qui a une voix agréable, mais qui n'est pas toujours très juste, il faut bien le reconnaître, et des ambiances un petit peu plus martiales et électro-pop, et ben c'est ça, Dernière Volonté. Étienne Dao qui fait du martial, c'est ça? Exactement, voilà, c'est je t'accorde, tu me fais des yeux ronds là derrière cette vitre en plexiglas qui nous sépare. Chers amis, je vous assure qu'elle a une drôle de bille, mais en même temps, elle a raison, c'est vrai que la comparaison est un petit peu osée. C'est le raccourci qui me fait rire. Je l'assume complètement parce que c'est vraiment ce que m'inspire le projet Dernière Volonté. Alors, il a commencé en 1995 avec de l'indus assez martial, des ambiances un peu glauques. Il allait plonger dans les années 30, les années 40, dans des périodes assez sombres de notre histoire pour trouver des samples et des musiques un peu bizarroïdes. C'est pour ça qu'il a été galvaudé et des fois mal jugé aussi au premier degré. Dès que tu viens de la scène indus et dark folk, t'es tout de suite catalogué extrême droite. Alors si tu fais que du martial, t'es foutu. Donc ben, lui, il a gardé ce côté martial, mais il l'a transposé à partir du début des années 2000 avec l'album Les Blessures de l'Ombre et celui qu'on va écouter ensemble devant le miroir en 2006. Cet électropop avec lequel il a gardé des influences un petit peu guerrières, un peu pompiers même parfois dans certains rythmes. Et ça donne un cocktail vraiment sympa. Moi, je vous propose, puisque le soleil est largement couché, que l'obscurité nous étreint, eh bien, je vous propose de vous faire une idée avec le titre La nuit revient. Sentiment dormant qui a... Il existe d'étranges éons où même la mort peut mourir. Clair, obscur. All your darkness and hope. Exemplar that style you told me about. You want my seething. Is this the treason I bear the fame from? My fate of freedom, the only swan song. l'instant le groupe Moonspell avec le morceau Darkness and Hope. Et non, c'était pas du typo négatif, je suis sûre que certains ne connaissant pas vraiment ce groupe s'y sont laissés prendre. C'est vrai qu'il y a le côté belle voix grave, morceau traînant, ambiance planante. On pourrait s'y tromper, mais non. À la base, Moonspell est quand même un groupe de Portugal, donc rien à voir avec les barjots de typo. Un groupe portugais mené par Fernando Ribeiro qui prend quand même ses racines dans le black metal, rien à voir avec l'influence des autres. Mais au final, on trouve un résultat assez proche. Alors eux, par contre, sont toujours en activité, hein, chanteurs toujours vivants oblige. Ils sont en préparation de leur 9e album. Le morceau que je vous ai passé ce soir faisait partie de leur 5e album éponyme, hein, Darkness and Hope. Si vous avez envie de découvrir leur discographie, ça part très black metal. On retrouve un petit peu les influences de temps en temps. Le morceau que je vous ai passé ce soir, on le retrouve pas spécialement, même voire pas du tout. Mais vous avez des morceaux beaucoup plus sombres encore. Oui, c'est possible. Donc ce groupe, ce morceau est de l'album de 2001, donc c'est pas tout jeune non plus, mais c'est toujours aussi bon et la suite est sympa aussi. Voilà, c'est une controverse qui existe depuis très longtemps, depuis les années 90 dans le gothique, hein, à savoir que le gothique vient du punk rock et le metal vient du hard rock des années 70, de styles qui n'ont pas grand chose à voir mais qui se recoupent souvent, et c'est un plaisir donc de vous passer de temps en temps des groupes de metal qui viennent du black metal, qui viennent du doom comme typo, etc. On ne va tout de même pas s'en priver. Surtout qu'on ne va pas chercher à savoir ce qui est gothique, pas gothique, à partir du moment où ça sonne bien dans les oreilles et que ça passe du sanglant sous la canine. Moi je dis, tant que le plaisir est là, c'est un mouvement artistique, c'est pas une idéologie. Quoi, zut, hein, pour rester poli. Donc, par contre, maintenant, on va arriver à un de ces groupes que j'ai envie d'appeler les Clairs-Obscurs Classics. Vous allez comprendre pourquoi, parce que ce sont des groupes qui reviennent régulièrement dans nos playlists. Alors, ce sont un peu nos chouchous. Pourquoi nos chouchous ? Mais parce que ce sont tout simplement des groupes que nous adorons. Alors, on va espérer que vous partagez notre passion pour ces groupes, parce que je crois qu'en 4 saisons, certains, on a dû vous passer 90% de leur discographie. Mais comme par miracle, on en trouve toujours un petit morceau qu'on ne vous a pas encore passé. Et ce soir, j'ouvre le bal des Clairs-Obscurs Classiques avec le groupe que je préfère, le groupe Quental, groupe allemand, aux influences evenly médiéval avec un peu d'électro, et avec un morceau issu de leur 3e album nommé Quental 3, hein, ils se sont pas embêtés. C'est comme le parrain en fait de Coppola. Voilà, c'est ça, c'est à épisode, mais c'est toujours aussi sympa et l'histoire est toujours aussi agréable à suivre. Alors Quental, pour vous en dire un mot, pour vous présenter le groupe, c'est un groupe mené par la chanteuse Syrah, un groupe allemand, et le nom du groupe vient tout simplement que la demoiselle, cherchant un nom pour le groupe, a vu ses 4 lettres se peindre sur un mur pendant un de ses rêves ou un de ses cauchemars. Et elle s'est dit qu'il fallait qu'elle appelle le groupe comme ça. Alors la thématique de ce groupe est énormément sur la base médiévale. Ils reprennent énormément de textes anciens, de chants très historiques. Donc des fois, c'est pas toujours facile à suivre, car ils vont chanter en gaélique, ils vont chanter en ancien français, ils vont chanter en allemand. Donc c'est pas toujours évident. Si vous cherchez la traduction, vous risquez d'avoir des surprises. En attendant, je vous laisse découvrir cet extrait de l'album Quental 3 et ce morceau nommé Maravillosos. Je suis toujours aussi fan, je suis toujours aussi amoureuse de ce groupe. Je vous laisse, c'est maintenant dans Clair Obscur. Maravillosos et piadosos et muy fremosos, miracles fas, Santa Maria, que nos guía, ben hoy de día, en nos da paz. Cantar quiero que en Francia esta virgen fez Madre de Dios maravillosa et fido por o aroma que foi uma fez Mas a igreja desta que exige por nos e veja mora já faz no paraíso o destarquizo goio erizo a quem é praz maravilloso set piadoso set poi tremosos milagres faz Santa Maria que nos guia ben alegria e nos da paz Maravillosos et piadosos et muy tremosos, miracles fas. Santa Maria, a que nos guía, ven alegría e nos da paz. Maravillosos et piadosos et muy tremosos, miracles fas. Petite minute pré ou presque médiévale de Nathalie, comme j'aime beaucoup à l'appeler, avec le groupe Quental et le morceau Maravillosos, issu de l'album Quental 3, troisième du nom, troisième du groupe, et toujours aussi bon. Ils continuent leur lancée, et moi j'espère un jour les avoir en France. Et donc on va avec ces choses un petit peu plus douces, on arrive tout doucement vers la fin de l'émission. On espère que cette première émission de la saison 4 vous a plu, que vous reviendrez nous rendre visite le mercredi soir pour votre émission, votre dose hebdomadaire de musique sombre. Et avant de nous quitter, on va faire un petit agenda concert pour voir ce qu'il y a d'intéressant à faire ce week-end, notamment du côté de Nîmes. Marilyn vous en parlait tout à l'heure, vous aurez sur le chantier de la salle de musique actuelle de Nîmes, la salle Paloma, qui est en train de se construire. Vous aurez un concert gratos samedi 10 avec des groupes du coin, donc faites-vous plaisir si vous êtes dans le coin de Nîmes samedi qui vient là. Et donc du côté d'Avignon par contre, les samedis 10 et dimanche 11 au Cloître des Carmes, dont l'entrée se trouve place des Carmes en centre-ville, vous aurez le festival, un petit festival médiéval sans prétention mais assez mignon. Il y a des tournois, il y a de la fauconnerie, il y a de la cervoise, il y a des gâteaux médiévaux, il y a des jeux pour les enfants, etc. Enfin bref, vous pourrez vous faire plaisir si vous avez des gosses ou même pour vous largement avec cette petite fête médiévale sans prétention qui profite des dernières belle journée de cette fin d'été. Voilà, alors comme à notre habitude. Ah non, pardon Nathalie, tu avais un concert annoncé. Oui, moi je voulais juste annoncer, bon c'est pas pour tout de suite, hein, c'est pour le 17 septembre, donc ça nous laisse un petit peu de marge. Le Real McCoy et Raquel Trax qui nous font l'honneur de venir pousser la chansonnette au Clash Bar, en plus l'entrée est gratuite. Donc je trouve qu'à partir de 21h30, c'est une super occasion de se faire un peu plaisir aux oreilles et de sortir dans la région pour une fois qu'il y a en plus il y a quelque chose musical qu'on adore, qu'on adhère et qu'on soutient. Bah moi je dis, moi j'y serai. The Real McCoy, groupe de Stoner, et Raquel Trax, groupe de Sleaze Glam de Marseille. Les deux valent le coup. Alors les deux ensemble, ça vous pensez bien. Ça sent les cigales. Hein. Allez, nous avant. Alors pour nous quitter dans Clair Obscur, on aime se faire plaisir en fin d'émission pour conclure la playlist avec quelque chose de totalement décalé par rapport à ce qu'on aura écouté ensemble pendant une heure, mais qui reste dans le même spectre d'émotions. Alors ça peut être tantôt du jazz, tantôt de la musique classique, et ce soir ce sera de la chanson française avec une artiste que j'ai beaucoup aimée, que j'aime encore beaucoup, la longue dame brune, la dame en noir, celle qu'on a aussi appelée la première gothique, même si c'est un petit peu exagéré. Je pense à Barbara qui a composé des chansons intemporelles et absolument magnifiques. Moi je vous propose, si vous êtes nostalgique des vacances, de nous quitter avec ce titre, Les Voyages. Nous, on vous souhaite bonne fin de soirée, on vous dit à la semaine prochaine, bisous. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Oh, les voyages aux rivages lointains, aux rêves incertains, que c'est beau les voyages qui effacent au loin nos larmes et nos chagrins. Mon Dieu, oh, les